Pour vous procurer vos billets, rendez-vous sur notre site ckrl.qc.ca en passant par PayPal ou écrivez-nous à réservation@ckrl.qc.ca. En 2013, CKRL a 40 ans et c'est grâce à vous. Les événements entourant les festivités du 40e anniversaire de CKRL sont rendus possibles grâce à la participation financière du ministre de la Culture et des Communications du Québec, M. Makakoto, de la ministre responsable de la Capitale-Nationale, ministre de l'Emploi et de la Solidarité sociale et ministre du Travail et de la Condition féminine, Mme Agnès Maltais, du député fédéral de Beauport-Limoilou, M. Raymond Côté, du Centre local de développement de Québec, porte d'entrée des entrepreneurs d'ici, de la Caisse d'économie solidaire des Jardins, de Télé-Québec, de la Caisse de Limoilou, de la première ministre du Québec, Mme Pauline Marois, de la SEDEC, Société de développement des entreprises culturelles, et du député de Jean Lesage, M. André Drolet. Aujourd'hui à l'émission Le Grain de Sable d'Attaque Québec, nous aurons un entretien avec Évelyne Couturier de l'IRIS et l'Institut de recherche et d'information socio-économique, suivi de l'éditorial de Claude Vaillancourt en première partie d'émission. Puis ce sera Nicole Moreau qui s'entretiendra avec Nancy Nimtan, la présidente directrice du chantier de l'économie sociale, en seconde partie d'émission. Le Grain de Sable d'Attaque Québec. Alors, bonjour, c'est Valérie Blouin qui sera avec vous jusqu'à 13h pour cette nouvelle édition du Grain de Sable d'Attaque Québec, le samedi 2 mars 2013. Je ne sais pas si chez vous ça sent le printemps, mais ça commence ici à Limoilou, dans le quartier. La fonte des neiges est bien activée, alors c'est vraiment très agréable aujourd'hui. Et cette semaine, au Grain de Sable, je vais m'entretenir d'abord avec Évelyne Couturier de l'Institut de recherche et d'information socio-économique, l'IRIS, et ce sera sur la question de l'aide sociale au Québec. Donc, vous l'avez vu, c'est beaucoup dans l'actualité cette semaine. Et par la suite, ce sera la chronique de Nicole Moreau qui va s'entretenir avec Nancy Nimtan, présidente directrice du chantier social de l'économie sociale. Mais avant tout cela, on va d'abord écouter un grand compositeur-interprète du Québec pour ma part, alors Richard Desjardins, avec la chanson « Charcoal ». L'an 2000, l'an 2000 cash, l'ADN, l'ADN, l'ADN of the world. Le cimetière monde, dans le dash, y'a-tu de la vie sur terre? Apocalypse, sur le capitaine Cousteau plongeant dans Budweiser. Je ne change pas le monde, comme le fait la haute finance. Mais je suis bien connu, ces listes d'attente, on me croyait mort, mais je fumais du silence. Charcoal. J'avais le goût de me mettre, c'était comme une rage. Fait que j'allais mettre mon beau short dans le garage. J'ai des trous dans mon CV, des trous de balles, des trous noirs, puis des trous pour aller boire la soirée. J'étais quêteux, j'étais pauvre, j'étais mère nécessiteuse. J'étais assisté social, client, j'étais bénéficiaire. Et bientôt, je le sens, je serai président de la misère. Charcoal. Charcoal. Je vends des sextants, je fais trembler le vent, je vends des frigidaires de gousse. Je vends la dynamite aux petits-enfants, puis je me pousse avant, je suis capté en bourse. Je suis l'homme qu'il vous faut, je suis un bumper de famille. J'ai gagné mes électros, j'ai un bunker de Tchernobyl, ce produit de l'année, j'en ai des machines à rien faire, des poupons jusqu'au plafond. Charcoal. Charcoal. Je suis le bonhomme minimum, l'accident d'Occident, le Act of God. Je suis Al Capote au temps de l'inhibition, oui, je vous le dis, James Bond encore. Des mots, démocratie. Je suis pas spécialiste, un peu spécial, je suis réaliste électoral. Oh non, monsieur, je suis pas en colère, c'est juste que hors de moi, il y a l'air de pésaler. Charcoal. Charcoal. C'est sûr, c'est même un peu suri, hiérarchie sa tête de tout le monde. Moi tout m'en en donnant, tous ceux qui en veulent des ors et des étiquettes et des plaques à gueule. Je vous propose mes nerfs à la demande et à l'offre à l'assemblée de vos actionnaires. Que je finis à la Kalachnikov. Check mon cocktail mollo. Mon canon est propre, le magasin est plein. J'ai la douille dans le store, ça va baisser vos culasses. Charcoal. Charcoal. Vous prenez mes empreintes, ok, puis moi je vous étampe mon poing dans le front. La compagnie du New Future, Charcoal, demain la guerre, yes sir. La vie est belle, la vie est belle, la robe du sol, la robe d'égout. Veillez agréer, monsieur, l'expression de mes sentiments les plus révoltés. Boudo est gros, allo est grand, que Dieu vous garde, moi j'ai pas le temps. Charcoal. Louons le Seigneur, 100 piastres par semaine. Aimez-vous les uns ces autres, ma patrie ou une autre. Alors, vous venez tout simplement d'entendre Richard Desjardins avec la chanson Charcoal. Alors, une autre chanson qui se veut en lien avec notre sujet fétiche, l'actualité économique. Et aujourd'hui, j'ai l'occasion de m'entretenir avec Evelyne Couturier, donc une chercheuse de l'IRIS. Evelyne Couturier, bonjour. Bonjour. Alors, ça va bien? Très bien, vous-même. Oui, tout à fait. Alors, j'ai eu la chance de lire un de vos textes qui a été publié dans Le Devoir tout récemment, qui est intitulé dans le fond « Aide sociale, des modifications qui nuiront au retour à l'emploi ». Donc, c'est ça, on va parler d'aide sociale aujourd'hui avec vous. Vous y écrivez d'entrée de jeu qu'il ne s'agirait pas ici d'un choix budgétaire, alors je vous suis donc, mais plutôt d'un choix philosophique, d'une décision pour renforcer l'incitation au travail. Alors, dans un premier temps, si vous voulez bien, j'aimerais qu'on départage les choses. Qui a droit à l'aide sociale sans devoir entreprendre des démarches pour retourner sur le marché du travail? Mais en fait, c'est important de comprendre que l'aide sociale, c'est différent du chômage. Alors, le chômage, il faut avoir un processus de retour au travail, mais l'aide sociale n'est pas liée à un retour au travail nécessairement. Donc, l'ensemble des prestataires qui sont sur l'aide sociale n'ont pas besoin de faire de démarches pour un retour à l'emploi. Mais il existe une catégorie particulière à l'aide sociale, les gens qui ont des contraintes sévères à l'emploi, qui, eux, reçoivent plus d'argent et dont les programmes de réinsertion ne s'appliquent pas puisque ces gens-là ne peuvent pas aller au travail. C'est des gens qui ont des problèmes de santé ou des problèmes de santé mentale sévères. Et pour être sur ce programme spécial-là, à ce moment-là, il faut avoir un billet du médecin qui atteste qu'il est impossible pour cette personne-là de tenir un emploi à long terme dans le marché du travail tel qu'il est présentement. OK, d'accord. Alors, merci pour ces précisions. Et ces gens-là qui ne peuvent pas travailler, finalement, est-ce que le montant d'aide sociale qu'ils reçoivent, est-ce que c'est suffisant? Bien, le montant est bien entendu ajusté par rapport à la prestation de base pour les gens qui n'ont pas de contraintes à l'emploi, mais les personnes qui ont des contraintes sévères reçoivent environ 918 $ par mois et ils peuvent avoir un revenu de travail, parce que même quand on a une contrainte sévère, qu'on ne peut pas tenir un emploi à long terme, parfois il y a des petits contrats qu'on est capable d'effectuer de temps en temps. Fait que 918 $ par mois pour une personne qui est seule, c'est quand même peu d'argent pour payer le loyer, payer la nourriture, mais aussi une personne qui va avoir des contraintes à l'emploi va peut-être aussi avoir des besoins particuliers. Donc, ça c'est des montants qui sont relativement faibles, mais en même temps, le 918 $ par mois permet d'arriver à un seuil de faible revenu. Donc, ces gens-là sont quand même relativement privilégiés comparativement aux personnes qui n'ont pas de contraintes à l'emploi. Alors, ceux qui n'ont pas de contraintes à l'emploi, est-ce que... Donc, c'est pas le même montant? Est-ce qu'eux, ils participent à des programmes d'employabilité? Ils peuvent participer à des programmes d'employabilité, les personnes qui n'ont pas de contraintes ou qui ont des contraintes temporaires à l'emploi, mais le montant de base pour arriver, le montant de base mensuel est de 604 $ pour une personne qui n'a pas de contraintes. Donc, ce montant-là est très, très faible et même s'il existe des programmes d'employabilité, il faut comprendre que ces programmes-là ne sont pas nécessairement accessibles pour l'ensemble de la population qui est sur l'aide sociale. C'est pas simplement une question de volonté de la personne qui est sur l'aide sociale, c'est aussi une question d'admissibilité et de chance de pouvoir être sur un programme d'employabilité. Parce qu'un peu avec la philosophie que vous nous parliez, on peut sentir que le marché du travail fait en sorte que les gens vont se sortir de la pauvreté. Est-ce que là, c'est les récentes mesures annoncées par la ministre Agnès Maltais, ça touche quand même une partie de celles et ceux jugés aptes au travail. Est-ce que on peut peut-être rappeler un peu à rappeler à nos auditeurs qu'est-ce qu'il y en est au juste? Mais les modifications qui ont été faites et qui ont été passées un peu en douce dans la Gazette officielle la semaine dernière touchent les personnes qui ont des contraintes temporaires. Donc, les contraintes sévères qui font que, généralement, ces personnes-là, ils sont sortis du marché du travail pendant une très longue période, voire l'ensemble de leur vie. Et ensuite, il y a les contraintes qui sont temporaires. Donc, par exemple, ça peut être un accident du travail ou une maladie temporaire, être enceinte, avoir des jeunes enfants à la maison, ou on a aussi rajouté une certaine contrainte temporaire qui était basée sur l'âge. Arrivé à un certain moment de la vie, les personnes qui sont âgées ont beaucoup de difficultés à trouver un emploi à cause de leur âge, de leur manque d'expérience, de leur manque de formation. Arrive un moment où est-ce que c'est difficile de rattraper le temps perdu. Donc, on a décidé de les placer eux aussi dans la contrainte temporaire. Les modifications que Agnès Maltais a mises dans la Gazette officielle, c'est de retirer la possibilité d'avoir une contrainte temporaire quand un couple est sur l'aide sociale avec un jeune enfant de moins de 5 ans et pour les personnes âgées de 55 à 57 ans. Donc, la contrainte temporaire pour les personnes âgées est augmentée à 58 ans. Et il y a aussi une modification par rapport aux toxicomanes qui bénéficiaient d'un certain programme pour les envoyer en désintoxication avec hébergement. Et là, il y avait pas de limite de temps sur le temps qui peut passer en désintoxication pour une année. Maintenant, il y a une limite de maximum 2 fois pour un total de 90 jours. Oui, c'est très, très, très bien écrit aussi dans votre article qui a été publié dans Le Devoir. Mais par contre, l'impact de ça, est-ce que l'objectif de tout ça, c'est quoi? Mais l'objectif que la ministre nous dit, c'est d'essayer d'adapter le programme d'aide sociale à la réalité plus actuelle. Donc, ce qu'elle dit, c'est que la population vieillissante, par exemple, le fait d'avoir 55 ans ne veut plus dire la même chose aujourd'hui qu'il y a 10 ou 20 ans. Maintenant, on peut passer la contrainte temporaire de 55 à 58 ans parce qu'on n'a pas le même rapport à l'emploi à 55 ans. Et pour ce qui est des jeunes familles de 5 ans avec des enfants de 5 ans et moins, elle dit à peu près la même chose, avoir un enfant de 3 ans, 4 ans ne devrait pas être considéré comme une contrainte, donc on enlève ça. Elle dit en même temps qu'elle va compenser ce changement-là parce que la contrainte temporaire permet d'avoir 129 $ de plus par mois, donc c'est quand même un gros montant qui va être retiré du budget de ces personnes-là, parce qu'il faut comprendre que pour plusieurs personnes, 129 $ dans son budget de plus ou de moins, ben ça fait pas une différence si importante que ça. Mais quand on gagne 604 $ par mois, et là, c'est quand même un pourcentage important. Donc, elle dit, ne vous inquiétez pas, on va mettre des programmes d'employabilité pour prendre la place de ces mesures qu'on enlève. Le problème, c'est que ces programmes d'employabilité sont peut-être très intéressants, mais on ne les a pas devant nous. On ne sait pas ce qu'il y a. Pour le moment, la seule chose que la ministre a faite, c'est les coupures. En nous disant qu'il va y arriver, il va arriver un autre moment où il va y avoir des programmes qui vont être intéressants, mais la question des critères, la question de l'admissibilité, la question de la durée et tout ça c'est encore très flou. Et les échos qu'on a eus du gouvernement, alors les fonctionnaires et la ministre ne s'entendent pas sur ces programmes-là. Donc, c'est impossible d'être capable de juger de ces programmes-là à l'heure actuelle. Alors, ce que vous me dites, dans le fond, c'est que les programmes un peu personnalisés, là, les options qui vont être adaptées aux besoins et aux réalités de ces prestataires-là, c'est flou. Hein, c'est bien ça? Pour le moment, c'est très, très flou. Ce qu'on entend, c'est que ces prestations-là vont durer pendant 6 mois, mais qu'est-ce qui va se passer si une personne, de sa volonté, de tous ses efforts, rentre dans ces programmes-là et n'arrive pas à trouver un emploi? On se rend compte qu'elle n'est pas capable de trouver un emploi après ça. Est-ce qu'elle va se retrouver encore de nouveau sur un montant qui est très faible? Et ce qu'il faut comprendre aussi, c'est que avoir des faibles revenus à ce point-là, c'est une contrainte pour se trouver un emploi et c'est une contrainte pour se sortir de l'aide sociale, puisque tout notre effort et tout notre argent sert à survivre et non pas à être capable de s'en sortir. Un exemple qui est donné fréquemment, à Québec comme à Montréal, on a un système de transport en commun. Donc, les gens qui sont sur l'aide sociale, s'ils se cherchent un emploi, ils vont sûrement sortir de leur quartier pour essayer de donner des CV, faire passer des entrevues, mais prendre le métro ou prendre l'autobus, c'est un montant qu'il faut ajouter, qu'il faut gréver de son budget. Et quand notre budget est compté à la semaine près, ben c'est un effort financier qu'il faut juger avec subvention. Alors, vous me parlez de survie, donc les gens, dans le fond, qui ont l'aide sociale survivent, si je comprends bien. Alors, vous, est-ce que vous doutez de l'efficacité de maintenir de faibles prestations pour inciter les gens à se trouver un emploi? Quand on a fait notre étude, on a fait une note en octobre de 2012 sur l'aide sociale et sur les variations à l'intérieur des prestations et de la clientèle, de la population qui était sur l'aide sociale. Et on n'a trouvé aucune corrélation qui prouvait que si on augmentait l'aide sociale, on voyait une augmentation de prestataires sur l'aide sociale. Ah, comme on peut le penser, là, donc ce serait peut-être un mythe, ça. Ça a l'air logique d'une certaine manière et pourtant ce n'est pas vrai. Et ce n'est pas vrai non plus que si on diminue les prestations d'aide sociale, il va y avoir moins de personnes sur l'aide sociale parce que les personnes qui se retrouvent là, c'est rarement par leur propre volonté, c'est quelque chose qui est souvent très honteux et on se retrouve avec très peu de moyens. C'est pas intéressant d'être sur l'aide sociale, mais quand on a juste cet argent-là, alors c'est difficile de s'en sortir parce que ça prend des moyens. Paradoxalement, de se sortir de la pauvreté, ça prend des moyens. Par contre, on a quand même vu chez la population monoparentale, il y a eu des programmes spécifiques pour leur donner plus d'argent, pour les inciter à, ben, tu sais, pour avoir les moyens de répondre aux besoins des enfants. Et c'est la population qui a connu la diminution la plus importante sur l'aide sociale. Ah oui, donc parce qu'elle avait un supplément de revenus? Ben c'est une des analyses qu'on peut faire de ça et ça s'est avéré aussi dans d'autres juridictions de voir que on donne un montant supplémentaire et les gens enfin ont les moyens de s'en sortir, comme je disais, les moyens de s'en sortir de la pauvreté, mais ça prend un peu d'argent pour pouvoir être capable de ne pas s'inquiéter tout le temps de est-ce que je suis obligée de payer mon loyer ou de payer l'épicerie ou de payer du linge à mes enfants. Il y a tout aussi la question de la dignité. Un enfant qui va à l'école et qui se sent pauvre et qui se sent ridiculisé à cause de sa pauvreté risque de reproduire aussi tout le processus de l'aide sociale et tout. Donc, donner plus d'argent permet aux gens de sortir de la pauvreté plus rapidement. Alors, c'est quand même paradoxal, dans le sens que ce qu'on pense, là, dans le fond, ça va vraiment un petit peu à l'encontre des idées qui circulent. Absolument. Actuellement avec la philosophie actuelle. Est-ce que, dans le devoir également, vous avez écrit des modifications intéressantes qui pourraient être apportées dans le cas de personnes jugées aptes au travail? Est-ce que c'est un petit peu dans ce sens-là, donc des suppléments de revenus? Oui, OK. Bien, en fait, il y a deux choses qu'il faut comprendre avec l'aide sociale. C'est que l'aide sociale, d'une part, au départ, quand on a mis en place ces programmes-là, c'était pour empêcher les gens de tomber dans l'indigence, mais ce n'était pas nécessairement un programme qui incitait les gens à retourner au travail. Il n'y avait pas comme cette pression-là au travail qui était aussi importante au départ lorsque l'aide sociale a été créée. Avec le temps, le travail est devenu une des valeurs les plus importantes de notre société. Donc, on essaie de pousser les gens le plus possible au travail, s'ils sont sur l'aide sociale, sur le chômage ou n'importe quelle partie de leur vie. Donc, c'est quand même une question qu'il faut se poser. Est-ce que c'est important que toutes les personnes travaillent? Est-ce que tout le monde est capable de travailler? Donc, ça, c'est une des questions qu'il faut se poser. Maintenant, si on veut que les gens retournent travailler, la manière que l'aide sociale est structurée présentement, il y a un grave problème. On appelle ça la trappe à la pauvreté. Ah oui, alors qu'est-ce que c'est? La trappe à la pauvreté, c'est que dans le programme d'aide sociale, sans contrainte à l'emploi, une personne qui a un travail, qui a un contrat temporaire et tout, les 200 premiers dollars que cette personne gagne, elle peut les garder entièrement. Mais suite à ces 200 premiers dollars-là, chaque dollar qu'elle va gagner va être retiré de sa prestation d'aide sociale jusqu'à temps que sa prestation d'aide sociale soit complètement évaporée. Et ensuite, ben, elle est sortie de l'aide sociale et elle est intégrée au marché du travail, façon de voir les choses. Mais ce que ça fait, paradoxalement, c'est qu'il y a 400 dollars qui restent. Alors, je rappelle que le montant pour l'aide sociale sans contrainte à l'emploi, c'est 604 $. Donc, il y a 200 $ qu'elle peut rajouter. Puis ensuite, il y a 400 $ qu'elle ne verra pas augmenter son budget. Donc, chaque heure qu'elle va travailler et qui va dépasser le 200 $ qu'elle peut garder, il n'y a aucun effet sur son revenu. Ah oui. Donc, c'est pas très incitatif à retenir. C'est vraiment pas incitatif. Donc, le gouvernement met en place des programmes pour bonifier les revenus de ces personnes-là, des prestations aux employeurs qui veulent engager des personnes sur l'aide sociale pour essayer de dépasser cette trappe à la pauvreté. Mais une personne qui ne fait juste faire quelques contrats ici et là, rapidement, elle se retrouve à travailler pour rien. Donc, déjà là, travailler sur cet incitatif au travail-là, faire que chaque heure travaillée est une heure rémunérée qui permet d'augmenter son revenu, ce serait déjà quelque chose d'intéressant. Et une autre chose intéressante, et pourtant évoquée par la ministre, et pourtant qui reçoit l'appui de l'unanimité de l'Assemblée nationale, c'est que les prestations familiales, donc lorsqu'on est divorcé, qu'on reçoit une pension alimentaire, les pensions alimentaires sont considérés comme un revenu supplémentaire, comme pour travailler. Et ils sont donc coupés de l'aide sociale en conséquence. Ah oui. Donc, cet argent-là qui est supposé de subvenir aux besoins des enfants, finalement, ne sert qu'à diminuer l'argent qui est dépensé en aide sociale, puisqu'on coupe les prestations d'aide sociale en conséquence. Oui, alors c'est quand même une grande réalité, là, ce que vous nous dites, assez troublant. Oui, et pourtant, l'Assemblée nationale est unanime qu'il faut réviser cette mesure-là. Et c'est ça qui est un peu décevant avec les mesures qui ont été mises en place par la ministre. Elle dit qu'elle veut faire des changements importants pour pouvoir améliorer la condition des personnes sur l'aide sociale. Et je pense qu'elle est sincère dans ce qu'elle dit. Par contre, dans l'application de ces réformes de l'aide sociale, elle commence seulement par les mesures qui sont très désavantageuses pour les personnes qui sont sur l'aide sociale, nous promettant qu'il va y avoir des nouveaux programmes qui vont être beaucoup plus intéressants. Mais on ne voit pas encore l'échéance, on ne voit pas encore de quoi elle parle quand elle dit ça. Et c'est dérangeant parce que on est obligé de constater seulement les problèmes et non pas les solutions. Oui, tout à fait. Puis, je crois qu'il y avait également des coupes, beaucoup de millions de dollars qui vont être coupés ou qui ont été coupés là, dans le ministère de l'Emploi et Solidarité sociale, si je ne me trompe pas, en lisant votre article là, sur les prestations d'aide sociale sont-elles trop généreuses, qui opérait en octobre, comme vous le disiez tout à l'heure. Il me semble que j'avais vu ça. C'est dans le devoir, pardon. C'est dans le devoir, c'est ça. En fait, c'est le Conseil du Trésor qui, lorsque les mesures se sont présentées, et là, tout le monde disait, ah, mais est-ce que c'est des coupures budgétaires? Est-ce que c'est des coupures qui sont plus philosophiques? La ministre disait que c'est philosophique, donc c'est parce qu'on veut renforcer le fait que c'est important que les gens retournent au travail, participent à l'économie et tout. Mais d'un autre côté, le Conseil du Trésor a demandé au programme d'aide sociale de diminuer ses coûts de plusieurs millions de dollars. Alors, je ne me rappelle plus si c'est 17 ou 19 millions, mais dans ces eaux-là. Donc, c'est sûr que même si c'est une question plus philosophique pour la ministre, il y a aussi une réalité budgétaire qu'ils essaient d'intégrer à l'intérieur de ça. Mm-hmm. Alors, en terminant, certains mettent de l'avant l'idée d'un revenu minimum garanti pour tous. Qu'est-ce que vous en pensez? C'est une question qui est très complexe. Puis, quand on parle de revenu minimum garanti, il faut comprendre qu'il existe plusieurs modèles différents de revenu minimum garanti. Est-ce qu'on parle d'impôt négatif? Est-ce qu'on parle d'une prestation annuelle, d'une prestation mensuelle? Il y a quand même plusieurs éléments qu'il faut aborder avant de répondre à cette question-là, clairement par oui ou par non, c'est une bonne idée ou pas. Mais c'est clair que, d'après ce qu'on voit dans la réalité des gens qui sont sur l'aide sociale, mais aussi la transformation des gens qui passent de 64 à 65 ans et bientôt 67 à 68 ans pour les gens qui pour la modification de la prestation de sécurité de la vieillesse, c'est que la pension de sécurité de la vieillesse, c'est qu'on voit vraiment une transformation importante chez les gens qui sont sur l'aide sociale et qui tout d'un coup ont droit à cette pension fédérale. L'augmentation du revenu leur apporte une certaine dignité supplémentaire, leur apporte un espoir, leur apporte plus de revenus. Alors juste de voir cette transformation-là qui est sur quelques centaines de dollars par mois, ça donne l'impression que augmenter le revenu de l'ensemble de la population aurait un effet bénéfique pour non seulement la solidarité puis notre rapport aux autres, mais aussi sur la capacité des gens de s'en sortir. Alors merci beaucoup Evelyne Couturier de cet entretien. C'est déjà tout pour aujourd'hui. Alors ça me fait plaisir. Oui, c'est toujours un plaisir de vous avoir à l'émission. Au revoir. Au revoir. Alors, je vous rappelle que vous êtes qu'elle est chercheure à l'Institut de recherche et d'information socio-économique IRIS. Et je vous invite à aller voir l'article qu'elle a publié dernièrement et également son article qui sur les prestations d'aide sociale sont-elles trop généreuses qui apparaît en octobre 2012 sur le site de l'IRIS. Et maintenant, c'est le temps de l'éditorial du président d'Attaque Québec, Claude Vaillancourt. Oui, voyons Valérie, c'est le temps de l'éditorial de Claude Vaillancourt, comme d'habitude, qui nous l'a fait parvenir. Celui de cette semaine porte sur les coupes d'assurance emploi, mais aussi sur les coupes à l'aide sociale, tout en rendant hommage à Hugo Chavez. On l'écoute. Nos gouvernements fédéral et provincial ne se sont pas consultés, mais voilà que devant les mêmes soi-disant difficultés financières, ils adoptent la même solution de facilité, faire payer les pauvres. Le gouvernement fédéral propose une réforme de l'assurance chômage. Je refuse d'employer le terme « assurance-emploi » qui fait aucun sens. Les chômeurs devront donc ainsi accepter des emplois de nature différente de ceux qu'ils occupaient, payés jusqu'à 70 % de moins, situés jusqu'à 100 km de leur lieu de résidence. N'étant pas de reste, notre gouvernement provincial vise quant à lui l'aide sociale des individus de 55 à 58 ans, des familles avec des enfants en âge préscolaire et des toxicomanes, tous privés de services ou de revenus pourtant déjà très maigres. Il faut comprendre cyniquement les avantages de pareilles mesures. Les pauvres votent peu et ne donnent rien aux partis politiques. Ils n'attirent pas la sympathie. Comme on le laisse entendre à la radio poubelle, ils sont pauvres de leur faute. Et en plus, ce sont des fraudeurs en puissance prêts à dérober à l'État quelques centaines de dollars par mois. On veut que les gens travaillent, a dit Harper à Rivière-du-Loup pour justifier sa réforme. Et pour être sûr d'arriver à ce résultat, il envoie ses hommes cachés dans leur automobile pour espionner les chômeurs afin de découvrir leur vicieuse combine. Agnès Maltais, quant à elle, coupe dans l'aide sociale pour renforcer l'incitation au travail, je cite, « comme si le fait d'avoir à peine de quoi manger n'était pas en soi une motivation assez forte ». Ironie du sort, Agnès Maltais s'est offusquée de la réforme du gouvernement Harper. Le Québec au complet dit qu'il y a un problème avec cette réforme, a lancé cette défendresse des chômeurs québécois. Tout ça pour faire sienne une réforme tout aussi problématique de l'aide sociale. Cette même dame Maltais a réclamé avec panache des études sur l'impact de la réforme sur les travailleurs saisonniers à Diane Finlay, son homologue fédéral. Elle serait pourtant bien incapable de fournir des études équivalentes qui montrent que d'enlever ce qui suffit à peine pour survivre permettrait aux gens de trouver miraculeusement du travail. Avouons-le, de pareils comportements en politique donnent des frissons dans le dos. Les belles promesses du Parti québécois arrivées au pouvoir d'aller puiser un peu partout chez les riches ont tombé au premier haussement de voix des patrons et de leurs défenseurs. Quant aux pauvres, ils peuvent toujours crier, enfoncés dans la misère, on ne les entend pas. Les conservateurs, de leur part, ont la sinistre honnêteté d'afficher ouvertement leur mépris pour les perdants de ce monde. Ces coupes arrivent au moment où nous apprenons le décès d'Hugo Chavez. Certes, ce chef d'État ne faisait pas l'unanimité, mais il s'est donné le défi gigantesque de gouverner pour les pauvres. Il leur a donné l'argent du pétrole, les a sortis de l'illettrisme, leur a procuré d'indispensables soins de santé. Il a été l'un des rares dans l'histoire contemporaine à oser une pareille aventure. Qu'on le veuille ou non, entreprendre de pareilles mesures, prendre le parti des pauvres, demande un énorme courage politique, ce que n'ont visiblement pas ceux qui nous dirigent. Présentez votre carte de membre de CKRL et obtenez 15% de rabais chez Sebs, Thé et Lounge, 67 René Lévesque Est et au Dorsay, le restaurant pub européen 65 rue de Buade. Gardez toujours votre carte de membre de CKRL sur vous. On ne sait jamais, ça peut être payant. Il fera chaud sur les ondes de CKRL à Kekalor. Valérie Blouin vous invite à découvrir la musique antillaise, caribéenne et latino-américaine. Laissez-vous charmer par le zouk, la salsa, le cha-cha, la samba, le merengue, la cumbia et la bachata. Voyagez à Cuba, Porto Rico, Haïti, République dominicaine, Guadeloupe, Trinidad, Mexique, Colombie, Brésil. Kekalor, tous les samedis 14h. Conte de fées. Lorsqu'il écrivait des histoires de jungle, des éléphants, des girafes et des panthères s'entassaient dans sa chambre. L'émission consacrée à la littérature jeunesse d'ici et d'ailleurs est animée par Olivia Bu. Lorsqu'il écrivait une histoire de peur, des monstres épouvantables apparaissaient dans son placard. Conte de fées dès 13h, tous les samedis sur les ondes de CKRL, vous est présenté par la librairie Pantoute et Studio P. Maintenant à la Barberie, en plus des 9 bières en fût, une bière en bouteille est servie au bar. On pige dans des cuvées spéciales, des bières rares, des bières vieillies. Mais allez-vous servir des bières ordinaires? Des bières ordinaires à la Barberie. Non. Mais des régulières, alors? Oui. Pour connaître la bouteille du jour, de la semaine ou du mois, consultez notre menu à labarberie.com ou sur notre page Facebook. CKRL. 89.1. Nous sommes de retour avec Valérie Blouin qui est au micro pour le grain de sable d'Attaque Québec, magazine socio-économique. Et juste simplement vous dire que le Radiothon de CKRL donc s'en vient à grands pas, c'est le 5, 6 et 7 avril. Alors tenez-vous au courant, vous pouvez aller voir sur le site de CKRL pour nous soutenir ou vous pouvez faire également un don en ligne. Aujourd'hui, donc voilà, alors je me retrouve présentement en compagnie de Nicole Moreau. Bonjour, bonjour Nicole. Et donc vous avez aujourd'hui ça va être une chronique sur l'économie sociale et on a le grand honneur de vous allez vous entretenir donc avec madame la présidente directrice Nancy Nimtan du chantier de l'économie sociale. C'est bien ça? C'est tout à fait ça. Alors j'ai entendu parler donc je vais faire une brève présentation. Donc elle est dans le fond c'est ça c'est la présidente directrice générale du chantier de l'économie sociale et c'est vraiment le chantier est vraiment un acteur majeur en économie sociale, sa mission étant de promouvoir l'économie sociale comme partie intégrante de la structure socio-économique du Québec et par conséquent de faire reconnaître le caractère pluriel de l'économie. Tout à fait ça. Alors, maintenant je vous laisse avec votre invitée. Ah, elle n'est pas encore arrivée, mais ça ne saurait tarder. D'accord, oui. Alors... oui, alors on va y aller en musique avec Trabando. Alors, bonjour. Nous voici à nouveau au Grain de sable présentement et nous avons, je suis présentement en train de m'entretenir avec Mme Nicole Moreau qui est chroniqueuse de l'économie sociale. Alors, comme je vous le disais en début d'émission, nous avons l'occasion de nous entretenir avec Nancy Nimtan, donc présidente et directrice du chantier de l'économie sociale. Alors, je vous laisse donc avec votre invitée, Nicole. Bonjour, Mme Nimtan. Bonjour. Ça va bien? Oui, très bien. C'est bon, alors, je voulais vous parler du projet du gouvernement de loi cadre pour le secteur de l'économie sociale et solidaire. Succinctement, pourriez-vous expliquer ce qu'est une loi cadre et quels avantages vous y voyez pour vous qui représentez un acteur majeur du secteur de l'économie sociale? Alors, c'est loi cadre, ce que ça fait, c'est que ça donne un certain nombre d'obligations au gouvernement dans la matière que ça touche, par exemple, la loi 4 sur la lutte à la pauvreté donne des obligations au gouvernement. La loi 4 sur le développement durable fait en sorte que l'ensemble des ministères du gouvernement doivent tenir compte dans leur planification des enjeux du développement durable. Et donc, la loi 4 pour l'économie sociale, ce que ça nous apportera, c'est évidemment une reconnaissance de cette forme d'entreprise qui est souvent laissée pour compte, oubliée quand les différents ministères et le gouvernement réfléchissent à ces stratégies de développement. Alors, c'est l'avantage que ça nous donne, c'est cette reconnaissance et, si vous voulez, pour en bon français, une poigne là, sur les différents appareils gouvernementaux, les différents ministères, pour qu'ils tiennent compte de la contribution des entreprises d'économie sociale dans le développement de leur politique. Alors donc, si je vous comprends bien, cette reconnaissance formelle du secteur de l'économie sociale aurait plus de poids que les programmes actuellement déjà mis en place, aussi bien en termes de financement, par exemple, pour en vue du démarrage ou du soutien d'entreprises d'économie sociale, que pour favoriser leur fonctionnement optimal. Est-ce que c'est bien le cas? Ben c'est un peu la question qui tue, dans le sens que c'est sûr qu'une loi cadre, comme on dit, ça change pas le monde, mais ça nous donne des si vous voulez, une certaine autorité, une obligation au ministère. Alors, il y a différentes façons qu'on peut avoir plus de soutien aux entreprises d'économie sociale. Un qui est peut-être dans un temps de rareté de ressources le plus si vous voulez, facile, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de programmes dans notre gouvernement, dans toutes sortes de ministères qui soutiennent l'entreprise privée à but lucratif. Et parce qu'on fonctionne pas de cette manière-là, on n'a pas les mêmes formes juridiques, etc., les entreprises collectives, les organisations collectives sont exclues de ces programmes-là. Et donc, avec une loi cadre, je vous donne quelques exemples, on a souvent dans les budgets, on entend parler des crédits d'impôt remboursables pour les entreprises privées. Mais un crédit d'impôt remboursable, dans les faits, c'est une subvention, parce que même si une entreprise ne paye pas d'impôt, il va recevoir l'argent. Et donc, nous, on dit, quand on est un organisme sans but lucratif, il n'y a pas de raison qu'on ne puisse pas avoir ces mêmes accès, par exemple, dans le domaine du soutien à la formation, la main-d'œuvre, etc. Un autre exemple, c'est la Banque de développement économique qui serait créée dans les prochains mois, je crois. Bon, Mme Marois l'a déjà dit, mais on va devoir faire un suivi là-dessus. Doivent offrir l'investissement, des prêts, toutes sortes de produits financiers aux entreprises pour son développement. Là, il faut s'assurer qu'on a pour nos entreprises les mêmes genres d'outils, mais qui vont tenir compte du fait qu'une entreprise d'économie sociale n'est pas une entreprise privée à but lucratif et que sa préoccupation première, c'est un rendement à la communauté et pas nécessairement un rendement aux financiers. Alors, c'est des genres de choses qui font en sorte qu'une loi cadre devient un outil pour les acteurs, pour le mouvement. Non, c'est effectivement un outil intéressant, mais est-ce que je comprends que ça pourrait mener à un plan d'action comme il y a eu un plan d'action pour l'élimination de la pauvreté, dans lequel de très nombreux ministères se sont formellement engagés. Est-ce que ça pourrait être la même chose? Oh, absolument. Mais d'ailleurs, dans la loi cadre, si nos informations sont bonnes, mais évidemment, on va attendre, on attend le dépôt de ce projet de loi, mais dans les échanges que nous avons eus au préalable, il y avait l'idée d'inscrire l'obligation d'un plan d'action, des plans d'action réguliers, parce que la loi est là pour durer, et effectivement, avec ça, une reddition de compte. Alors, il faut effectivement espérer que ça reste là, et que, mais normalement, oui, ça va être accompagné d'un plan d'action, et nous travaillons déjà, nous sommes déjà en discussion avec le gouvernement pour les différents éléments de ce plan d'action-là. Est-ce qu'il y aurait lieu, comme le présume M. Bélan, l'ancien président du Mouvement Desjardins, dans le texte publié dans Le Devoir en décembre dernier, de mettre en place un lieu de concertation particulier? Encore une fois, les informations que nous avons nous indiquent que oui, il y aura l'annonce d'une instance plus permanente dans le projet de loi qui reconnaîtrait les grandes organisations qui sont le chantier de l'économie sociale et le conseil de la coopération et de la mutualité pour participer avec le gouvernement dans un comité de suivi. En tout cas, on verra le nom de cette instance. Et on trouve ça extrêmement important. Évidemment, il va y avoir un enjeu. Quel sera le rôle de ce comité-là? Quelle importance qu'il va avoir? Et l'autre élément qui, pour nous, est extrêmement important, c'est d'assurer que ce ne sont pas seulement les grandes organisations nationales, mais également les réseaux sectoriels, par exemple, dans le domaine des radios communautaires, que l'Association des radios communautaires soit pleinement reconnue dans les discussions sur les communications au Québec, que les réseaux, par exemple, dans le domaine de l'habitation soient reconnus par la SHQ. Donc, d'assurer, et particulièrement que les pôles régionaux d'économie sociale qui regroupent les acteurs au niveau régional soient aussi reconnus. Ah, donc, on a un souhait qu'il y ait un ensemble d'acteurs qui soient reconnus dans cette voie-là. OK. Ce serait tout à fait intéressant d'avoir un lieu comme ça où les grands partenaires seraient là. Absolument. Mais je pense que c'est essentiel parce que on le sait, puis notre expérience le démontre. Toutes les politiques qu'on a eues dans les derniers 15 ans en faveur de l'économie sociale ont été issues des demandes qui sont venues du milieu à partir des besoins, des opportunités identifiées et qui ont été négociées par la suite. C'est impensable de dire que les gens vont s'asseoir dans les bureaux gouvernementaux puis imaginer des politiques sans être en lien constant avec les gens qui en font du développement, qui en créent des entreprises et les gèrent. Donc, pour nous, c'est une condition de réussite, c'est d'avoir une table de partenaires où ce que les bons acteurs seront présents et qui aura un rôle vraiment reconnu dans le développement de futures politiques. Ça semble tout à fait pertinent. Est-ce que vous comptez, dans ce cadre-là, sur des ressources plus importantes que celles consenties dans l'actuel plan d'action qui doit se terminer en principe cette année? Absolument. C'est évident qu'on va toujours pousser plus loin pour que la reconnaissance s'accompagne effectivement de moyens financiers appropriés. Et évidemment, dans chaque secteur, dans chaque région, ça peut varier. Mais globalement, on pense qu'on est loin d'avoir le soutien de ressources concrètes, matérielles, qui est nécessaire pour que l'économie sociale réalise son plein potentiel au Québec. Mm-hmm. Pour assurer une réelle pluralité de l'économie, hein? Absolument, et de faire en sorte que les gens ont vraiment la possibilité de faire ce choix d'entreprendre autrement. On sent, surtout parmi les jeunes, mais d'une façon plus générale sur tout le territoire, un engouement pour cette forme d'entreprise. Les gens y en ont soupé pas mal d'entreprises qui viennent tirer les meilleurs des communautés qui partent avec. Donc, de toutes sortes de manières, je pense que l'économie sociale doit être à l'ordre du jour puis doit avoir les ressources et la reconnaissance qui lui revient. À vue de nez comme ça, maintenant, aujourd'hui, quels seraient vos grands secteurs prioritaires pour intervenir en économie sociale? Mais je pense que il y a beaucoup de secteurs qui se développent, que ce soit dans la gestion des matières résiduelles, dans les services aux personnes, mais de plus en plus, les gens, ils regardent, par exemple, les ressources naturelles en partenariat avec les municipalités en disant, bon, est-ce qu'il faut qu'il y ait des gens de l'extérieur qui viennent exploiter, par exemple, des énergies renouvelables, etc.? Est-ce que ça ne devrait pas être des entreprises qui appartiennent à la collectivité, donc des entreprises d'économie sociale? Il y a beaucoup de secteurs, mais je pense qu'il y a il y a des éléments qui sont importants. Par exemple, les marchés publics. Le gouvernement est un grand acheteur. Les municipalités sont des grands acheteurs de produits et de services. Pourquoi ils ne peuvent pas favoriser les entreprises qui sont transparentes, honnêtes, et où les retombées sont directement dans la communauté? Donc, c'est des façons de faire qui touchent l'ensemble des secteurs. C'est la même chose, accès à du capital, patient, qui va permettre aux entreprises de se développer. Je pense qu'il y a des choses qui vont aider toutes les entreprises d'économie sociale, comme ça, les marchés publics, évidemment, des secteurs d'avenir qui sont de plus en plus en évolution dans nos communautés, qu'il faut aussi appuyer. Évidemment, les secteurs traditionnels, que ce soit l'habitation communautaire, les domestiques, les CPE, etc., mais il faut continuer à les appuyer, c'est évident. Oui, continuer à soutenir les secteurs plus habitués à l'économie sociale, mais à aller vers d'autres directions. Pour la région de Montréal, voyez-vous des spécificités? Après tout, c'est quand même le cœur du Québec. Mais je pense qu'à Montréal, il y a beaucoup de projets dans le domaine il y a beaucoup de projets dans toutes sortes de domaines. La culture est un secteur en plein développement. Le loisir également, le tourisme solidaire. À Montréal, il y a beaucoup de projets immobiliers, de reconversion du patrimoine, et ça, je pense, c'est vrai à travers le Québec, pour créer des lieux, des centres communautaires. Il y a l'habitation qui devient, évidemment, qui reste toujours une priorité pour les communautés, pour l'économie sociale. Mais je pense que c'est vraiment très, très varié. Mais je dirais, à Montréal, la culture, c'en est un qui est très important, et l'immobilier communautaire et collectif. D'accord. Maintenant, en raison du fait que les entreprises d'économie sociale sont démocratiques dans leur fonctionnement, vous aviez mis sur votre site là, vos propositions pour la loi cadre, vous fondez votre confiance sur vos propositions sur la confiance envers les travailleurs qui y œuvrent. Comment est-ce que ça peut se concrétiser dans un projet de loi? Parce que la confiance, c'est dur à mesurer, qui s'appliquera à un très grand nombre de secteurs où l'économie sociale est présente, ainsi que ceux où elle pourrait s'engager. Mais je pense qu'il faut voir que les projets de loi ou les lois ne peuvent pas régler l'ensemble des enjeux, et notamment l'enjeu de la démocratie, si vous faites référence à ça. Je pense que ça, c'est notre job. Et nous, on dit qu'un projet de loi, c'est une opportunité, mais il faut aussi que nous, dans nos organisations, on soit le plus... On travaille beaucoup sur la question de la démocratie, sur la question de la participation citoyenne, parce qu'il faut jamais le prendre pour acquis, pas plus dans notre démocratie politique que dans la démocratie au travail. Mais il y a un autre élément où ce qu'on pense, par exemple, en France, il y a un projet de loi aussi sur l'économie sociale et solidaire qui est en préparation. Et ce projet de loi va ouvrir la possibilité, dans un cas d'une délocalisation d'une entreprise, une fermeture, une vente, que les travailleurs puissent avoir le droit de premier refus s'ils veulent acheter cette entreprise-là. Dans un contexte au Québec où on a beaucoup de PME, où on est inquiet pour la relève, l'idée de proposer cette possibilité-là pour les travailleurs d'avoir un certain avantage pour racheter l'entreprise plutôt que de la voir fermer ou racheter par des intérêts étrangers, ça, c'est quelque chose qu'on voudrait mettre l'avant pour qu'on puisse que ça puisse aussi être présent dans le projet de loi au Québec. Ce serait drôlement intéressant pour les communautés qui garderaient leurs liens avec les entreprises. Absolument. Puis on dit que si ça peut se faire en France, ça peut certainement se faire ici. D'autant plus qu'au Québec, on a une implication du mouvement syndical dans le développement de l'économie sociale. Il y a une ouverture à ce genre d'approche. Et on a des instruments financiers fort intéressants, qu'ils n'ont pas en France d'ailleurs, pour pouvoir permettre aux travailleurs de prendre le contrôle de leur entreprise. Donc, on a toutes les conditions réunies, et ce qu'on souhaite, c'est que dans le projet de loi, ça aussi, ça peut être mis de l'avant. Bon, on a d'autres propositions pour faciliter ces genres de choses qui sont plus de nature fiscale également. Par exemple, aux États-Unis, le monde, ils peuvent être très surpris de ça, mais aux États-Unis, si un propriétaire d'une petite moyenne entreprise vend son entreprise à ses travailleurs, il y a un avantage fiscal là-dessus. Et je pense que la logique est claire, parce que si on vend un travailleur au travailleur, on sait que l'entreprise va rester là. Il ne sera pas délocalisé, il ne sera pas fermé juste pour le carnet de commandes ou le brevet qui va et la production transférée ailleurs. Alors, nous, on se dit, depuis plusieurs années, si les Américains peuvent le faire, certainement au Québec, on est le lieu propice pour ce genre de mesures-là. Donc, projet de loi avec un droit de premier refus, mesure fiscale, et je pense que on verra un développement assez fascinant de la démocratie au travail à travers la coopération en milieu de travail qui pourrait être très porteur pour l'avenir. En conclusion, Mme Nintam, vous êtes optimiste pour l'avenir? Il faut, mais je pense que ce que je suis optimiste aussi, c'est parce que je pense qu'on est un peu rendu là. Il y a tellement de questionnements sur notre modèle de développement, sur les impacts sur l'environnement, sur les écarts entre les riches et les pauvres, etc. On sent une mobilisation. On sait comment la population québécoise s'est mobilisée. On réfère plus récemment au printemps érable. Alors, si on donne les conditions puis on montre aux gens que oui, c'est quelque chose qu'on va soutenir et dans lequel même le gouvernement du Québec croit, moi, je pense qu'il y a beaucoup de potentiel et effectivement, je suis assez optimiste. Merci beaucoup. Alors, à la prochaine. Merci à vous. Bonne journée. Alors, vous venez d'entendre l'entretien avec Nicole Moreau, qui était chroniqueuse sur l'économie sociale. Merci, Nicole. Merci beaucoup. Alors, c'est vraiment une entrevue très, très, très intéressante. Vous avez eu la chance d'interviewer Mme Nancy Nimtan, donc présidente-directrice du chantier de l'économie sociale. Et je rappelle la mission de ce chantier, fort utile pour notre économie, bien sûr. Alors, c'est vraiment de promouvoir l'économie sociale comme partie intégrante de la structure socio-économique du Québec. Hein? C'est très important. C'est très important. Hein? C'est quelque chose. Et par conséquent, de faire reconnaître le caractère pluriel de l'économie. Alors, un grand merci de nous avoir fait connaître, pour les gens qui la connaissent déjà, Madame Nim Tan. Alors, on prend une courte pause. On s'en va écouter la chanson Trabando du groupe Syncope. C'est ce qu'on vous dit à Moscou. Brisez-vous les reins. C'est ce qu'on vous dit à Berlin. Vous ne fichez rien. C'est ce qu'on dit aux Africains. Travailler c'est trop dur. Une seule chose est sûre. Mettez-vous à plat. C'est ce qu'on dit aux USA. Ça ne suffit pas. C'est ce qu'on dit à Bogota. Ce n'est pas fini. C'est ce qu'on vous dit en Australie. Travailler c'est trop dur. D-R-A Nalingea. B-E Nalingea. D-R-A Nalingea. B-E Nalingea. N-D-O Nalingea. Chine. Lève-toi et cours. C'est ce qu'on vous dit au Darfour. Crève là-dedans. C'est ce qu'on vous dit au Soudan. Travailler une sinécure, je n'en suis pas sûr. Les soucis comme un îlot nous cernent de toutes parts. À pied, à cheval, à vélo, on roule au marché noir. À l'arrêt, la manière de patriner toute l'année. J'ai trouvé ma lumière et c'est la job aux damnés. T-R-A Nalingea. B-E Nalingea. N-D-O Nalingea. T-R-A Nalingea. B-E Nalingea. N-D-O Nalingea. Nous cerne de toutes parts. À pied, à cheval, à vélo, on roule au marché noir. Envie et d'espoir. Des idées qui cogitent, dessinées sur un visage aux couleurs de terre cuite. Alors, vous venez d'entendre la chanson Trabando du groupe Syncope. Alors, nous sommes rendus aux événements à surveiller cette semaine. Alors, Michel Monette va nous faire son répertoire. Oui, Valérie. Alors, il y en a beaucoup encore une fois. On ne peut pas dire qu'on manque d'action, Valérie. Non, il y en a beaucoup. Manque d'action. Oui, voilà. D'abord, je voudrais signaler un événement qui a débuté le 8 mars, mais qui se poursuit jusqu'au 10 mars. C'est à la salle bleue du théâtre Périscope. C'est sur la rue Crémazie, aux deux rues Crémazie Est à Québec. Ce sont les deuxièmes éditions de Vue parallèle, les journées de cinéma LGBT de Québec. Il y a eu une première présentation en 2012, assez réussie d'ailleurs, et ça se poursuit, ça prend même de l'ampleur. Cette année, ça s'échelonne sur 3 jours, et c'est une présentation variée, éclectique, audacieuse, donc on invite les gens à se rendre au Théâtre Périscope pour les journées du cinéma GLBT de Québec, Vue parallèle. Ensuite, le 11 mars, ça c'est à 17h, Femme d'ici, Femme d'ailleurs, tout en une, c'est un 5 à 7 de coopération, c'est dans le hall du Musée de la civilisation, musée situé au 85 rue d'Alousie à Québec, c'est dans le cadre de la Journée internationale des femmes, dans le prolongement de la Journée internationale des femmes, il y a donc ce 5 à 7 de la coopération internationale, c'est en partenariat avec des artistes internationaux, c'est une soirée festive qui rend hommage aux femmes connues, inconnues, d'ici, d'ailleurs, les femmes donc qui s'impliquent dans tous les aspects de la vie. Nous, on nous invite donc à un cocktail dînatoire animé par Bebeto Lonsili, qui est un conteur burkinabé, et la troupe de danse du groupe Djembe Québec et la musique envoûtante du groupe Sinikan. Fort intéressant tout cela. Il y a un coût, 8 $ si vous êtes étudiant, 5 $. Il faut réserver, c'est au 418-524-7648. 13 mars, une manifestation à 10h30 contre les coupes à l'aide sociale. C'est à Québec et à Montréal. À Québec, c'est devant le bureau d'Agnès Maltais, au 425 rue Saint-Amable. En fait, c'est dans le parc de la Francophonie, à côté du Grand Théâtre, donc près du boulevard René-Lévesque-Est, pour ceux qui connaissent moins le coin. À Montréal, c'est à 10h30 également, c'est devant le bureau d'Agnès Maltais, et là, c'est à la Tour de la Bourse, c'est au 800 rue Square Victoria. 15 mars, 19h, quel projet féministe de société en ces temps conservateurs? C'est Alexa Conradi, qui est la présidente de la Fédération des femmes du Québec. La conférence va être suivie de discussions et d'échanges avec les personnes présentes. C'est une soirée publique ouverte à toute la population. C'est à l'Université Laval, au pavillon Desjardins. C'est à la salle 4512 du pavillon Desjardins. C'est au 4e étage du pavillon Desjardins. Voilà, ça fait le tour des activités. Il y en a d'autres, mais enfin... quelques-unes des activités à surveiller ici et même à Montréal. Ah oui, merci beaucoup, Michel. Bienvenue. Alors, c'est déjà le mot de la fin. Alors, j'aimerais remercier nos invités, donc Mme Evelyne Couturier, chercheure à l'Institut de recherche et d'information socio-économique LIRIS, pour son l'éclairage sur l'aide sociale dans le contexte des récents changements annoncés par la ministre Agnès Maltais. Je vous invite également à aller consulter ses articles sur le site. Et merci également au président d'Ata Québec, Claude Vaillancourt, pour son éditorial hebdomadaire, toujours très fort intéressant. Et merci enfin à Nicole Moreau qui a assuré la chronique sur l'économie sociale et son invitée, Mme Nancy Niemtan, la présidente directrice du chantier de l'économie sociale. Je vous rappelle également que les enregistrements d'émissions sont disponibles via le site de CKRL 89.1. Donc, vous allez sur la programmation et l'onglet Le grain de sable pour nous écouter ou nous enregistrer, nous télécharger. Et évidemment, on a également mis les enregistrements disponibles via le site de Data Québec, www.québec.attaque.org. Également, on a différentes campagnes et actions. Donc, vous pouvez également devenir membre d'Ata Québec si vous avez envie de vous impliquer. Et également, vous pouvez retrouver les enregistrements sur le blog legraindesable.qc.org. Également, vous pouvez nous suivre sur la page Facebook et Twitter. Donc, les moyens de communication ne manquent pas ici. Alors, voilà, c'est déjà tout. Valérie Blouin qui a été avec vous. J'aimerais également remercier Michel Monette qui assure la réalisation d'émissions et également les choix musicaux et les choix des invités. Alors, un grand merci d'assurer cette fonction vraiment très, très, très important et appréciée. Alors, je vous invite à demeurer tout l'après-midi avec nous sur CKRL, car à 14h, je vais reprendre l'antenne ou les ondes un peu avec l'émission Kick Alors. Vous savez, aujourd'hui, ça sera une émission avec de la musique caribéenne et antillaise. Et par la suite, ce sera Brice Santana qui va poursuivre avec du zouk. Mais pour l'instant, je vous invite à rester à écouter Olivia Vu avec l'émission Contes de fées, qui se situe aujourd'hui à Studio P. Alors pour nous, c'est déjà tout. On se retrouve samedi prochain, midi. Nightingale.